Louons l'Éternel qui nous protégea. Que chacun de nous le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Yamotu ya ngana yebaki yote. Oyeba kinga eyopona kinga baba. Osikolinga opesinga elonga ofungolinga imiso ngana mona peke mbuna yo baba. Na tango na pasi tuna tango ya bisengo papa. Otikaki ngai te owanganaki ngai pete baba. Wokinulilo Yesu nga nazali kokoba kosalela yo. Esingo na ngai kobenga masimwana na yo. Alléluia. Na mosala royo ba épreuve belé boye. Alléluia. Tout en bola na yo on a goûté ya milimo. Oh ya bato osunga kabisa kokende pe kozonga. Makasi atela rebo santa mobateli se Yesu yango mena koyembe yo. tosa yo Jehova Nana banga yo Ngana tosa yo O papa nangai Alaloya Libanga nanga yasuka Libanga nanga o yasuka baba Libanga nangai Libanga nangai Natongi ndako ya bomwe nangali kolona yo Yesu Oh, Yahweh, yo Jehovah.